Unité 6. Unit 6. Nous commençons Unité 6 avec la dernière conversation de l'Unité 5. Oui, c'est une conversation à la réception de l'hôtel entre Hélène et le réceptionniste. Écoutez. À la réception de l'hôtel. Monsieur, s'il vous plaît, pour aller au parc des expositions. Au parc des expositions? C'est à la porte de Versailles, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Si vous prenez le métro, c'est peut-être à 40 minutes d'ici. Oh, c'est assez loin. Et si nous allons en taxi? En taxi? Ouf! Je ne sais pas, madame. Avec la circulation, c'est peut-être à 50 minutes ou à une heure d'ici. Le métro, c'est plus rapide. Quelle heure est-il? Maintenant, il est 10h10. 10h10? Alors, c'est le métro pour nous. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir, madame. So, because of the time factor, Hélène has decided to go to the food fair by metro. You can find more about traveling en métro by metro, the Paris underground system, in level 2. But for now, since we're on the subject of time...